Madame de Maintenon par le duc Paul de Noailles. Un passage de Saint-Simon où il raconte le retour de Monseigneur le duc de Bourgogne de l'armée en 1708 fixe d'une manière certaine l'emplacement qu'occupait l'appartement de Madame de Maintenon. Le jeune prince, dit-il, arriva le lundi 11 décembre, un peu après 7 heures du soir, comme Monseigneur venait d'entrer à la Comédie, où Madame la duchesse de Bourgogne n'était pas allée pour l'attendre. Je ne sais pourquoi il vint descendre dans la cour des princes au lieu de la grande. J'étais en ce moment-là chez la comtesse de Roussy, dont les fenêtres donnaient dessus. Je sortis aussitôt, et arrivant au haut du degré du bout de la galerie, j'aperçus le prince qui le montait. Je lui fis ma révérence au bord des marches. Il traversa la grande salle des gardes, au lieu d'entrer chez Madame de Maintenon par son antichambre de jour, et parler derrière, bien que son plus court, y alla par le palier du grand degré, entrer par la grande porte de l'appartement de Madame de Maintenon. Cet appartement était de plein pied et faisait face à la salle des gardes du roi. L'antichambre était plutôt un passage long, en travers, étroit, jusqu'à une autre antichambre toute pareille de forme, dans laquelle les seuls capitaines des gardes entraient, puis à une grande chambre très profonde. Entre la porte par où on entrait, de cette seconde antichambre et la cheminée, était le fauteuil du roi adossé à la muraille, une table devant lui, et un ployant autour pour le ministre qui travaillait. De l'autre côté, une niche de damas rouge et un fauteuil où se tenait Madame de Maintenon avec une petite table devant elle. Plus loin, son lit dans un enfoncement. Vis-à-vis les pieds du lit, une porte et 5 marches à monter, puis un fort grand cabinet qui donnait dans la première antichambre de l'appartement de jour de Monseigneur le duc de Bourgogne, que cette porte enfilait, et qui est aujourd'hui l'appartement du cardinal de Fleury. Cette première antichambre ayant à droite cet appartement, et à gauche ce grand cabinet de Madame de Maintenon, descendait, comme encore aujourd'hui, par 5 marches, dans le salon de marbre contigu au palier du grand degré, du bout des 2 galeries hautes et basses, dites de Madame la duchesse d'Orléans et des princes. Tous les soirs, Madame la duchesse de Bourgogne jouait dans le grand cabinet de Madame de Maintenon avec les dames à qui on avait donné l'entrée, et de là, entrait tant et si souvent qu'elle voulait dans la pièce joignante, qui était la chambre de Madame de Maintenon, où elle était avec le roi, la cheminée entre deux. Monseigneur, après la comédie, montait dans ce cabinet où le roi n'entrait point, et Madame de Maintenon presque jamais. C'est dans ce petit appartement que Madame de Maintenon passa la plus grande partie de sa vie, à Versailles, ne paraissant que de temps à autre, ou pour quelques circonstances particulières, dans les grands appartements où les réceptions avaient lieu. Le roi passait chez elle tout le temps qu'il ne donnait pas au public, à ses conseils ou à ses promenades. Il y travaillait avec ses ministres, et quand Madame la Dauphine fut morte, et que la cour, sans cesser d'être nombreuse et brillante, devint, comme le roi lui-même à mesure qu'il avançait en âge, moins vive et plus sérieuse, il s'y renferma plus encore qu'auparavant. Mais à l'époque dont nous parlons, la cour était encore jeune et animée. Toute la génération de la première partie du règne vivait, et avec elle, les goûts, les habitudes, ou du moins les souvenirs de la jeunesse. On peut dire que les 10 années qui s'écoulèrent entre la paix de Nimègue et la guerre de 1688, et même les premières années de cette guerre, furent le plus beau moment de ce long règne. Louis XIV était alors dans le plus grand prestige de sa puissance et dans une activité ambitieuse qui chaque jour en augmentait l'éclat. Pendant l'été, le roi, suivi d'une cour moins nombreuse, faisait de petits voyages à Chambord. Mais après l'achèvement de Marly, Chambord cessa d'être visité. Le roi avait construit Marly pour s'y faire une retraite et s'y reposer de la foule de Versailles. Il y allait souvent dîner ou souper avec Madame de Maintenon et quelques dames. Il y passa d'abord de temps en temps 1 ou 2 jours de la semaine, puis 3 ou 4, et à la fin, des semaines entières. Dans les commencements, il y conduisit peu de monde, puis davantage. C'était une faveur que d'y aller, et il voulait qu'on la lui demandât. À Marly, on vivait comme à Versailles, mais avec moins d'étiquette. Le roi voulait qu'on y fût à l'aise, qu'on y menât la vie de château et qu'on s'y trouvât bien. Tout le monde avait toute liberté de le suivre dans les jardins, de l'y joindre, de le quitter, et aussi d'y être couvert devant lui à la promenade,

un carrosse du roi la menait, toujours affectée pour elle, dit Saint-Simon, même pour aller de Versailles à Saint-Cyr, et des Épinay, écuyer de la petite écurie, la mettait dans le carrosse et la suivait à cheval. C'était sa tâche de tous les jours. À Versailles, à Fontainebleau, elle avait une maison de ville où elle se retirait quelquefois dans la journée pour être plus tranquille. Sa maison, selon Mademoiselle d'Aumale, était ainsi composée. Un écuyer, trois valets de chambre. Elle n'en avait qu'un avant que Madame la Duchesse de Bourgogne vint en France, mais comme elle était souvent chez elle, elle en prit deux de plus pour le service de cette princesse. Un maître d'hôtel, un officier et un aide d'office, un cuisinier et un aide de cuisine, un cocher, un postillon et un palefrenier, trois laquais et deux porteurs de chaises, trois femmes de chambre, un portier, une servante, un marmiton. Elle n'était jamais suivie en carrosse que par un laquais et un homme à cheval. Cette suite était plus simple que celle des grandes dames du temps. À Versailles, à Marly et dans toutes les maisons du roi, elle était meublée par lui. Elle avait seulement à sa maison de la ville des meubles à elle, mais qui n'étaient que pour ses domestiques. Sa maison de ville à Fontainebleau était de même. Elle avait maintenant quatre ou cinq appartements meublés, assez proprement pour quand la cour y allait. Elle y avait tout laissé, mais il n'y avait aucune belle tapisserie. Les meubles étaient de damas. Elle avait de vaisselle d'argent environ pour 15 000 livres. Vous connaissez le meuble qu'elle avait à Saint-Cyr et qui lui servait depuis la fondation de la maison, et un autre petit meuble cramoisi qu'elle portait avec elle dans le temps qu'elle était obligée de suivre le roi en Flandre. Je ne lui ai jamais connu autre chose. Le roi lui donnait tous les 3 mois 11 000 livres, ce qui faisait 40 000 livres par an, et en outre 12 000 livres pour ses étrennes. Elle jouissait encore de deux anciennes pensions, probablement celle de gouvernante des enfants, et celle de dame la tour de la Dauphine, qui s'élevait à 15 000 livres, ce qui réunit à la terre de Maintenon, dont elle abandonna la plus grande partie à sa nièce en la mariant, formait un revenu total de 90 000 livres environ, dont elle donnait la plus grande partie aux pauvres. Elle eut sur le roi cet ascendant inévitable d'une personne qui est toujours là, et à laquelle on ne cache rien. Son avis avait du poids, sa protection était puissante, quoiqu'on la crût plus puissante encore qu'elle n'était. Tout le monde à la cour, les ministres, la famille royale elle-même, la comptait infiniment en toutes choses, et n'osait souvent arriver au roi que par elle. Et le travail des ministres qui se faisait le soir chez elle ne lui laissait rien ignorer. Pendant ce travail, elle se tenait ordinairement à l'écart, occupée à lire ou à écrire, ou bien elle travaillait à un métier de tapisserie, ne disant son mot que rarement et toujours avec de grandes mesures. Il arrivait parfois, quand la matière était embarrassante, que le roi disait « Consultons la raison ». Puis il ajoutait, en se tournant vers elle, « Qu'en pense votre solidité ?» C'est le nom qu'il lui donnait pour rendre hommage à l'excellence de son esprit. Il lui avait dit un jour « On appelle les papes votre sainteté, les rois votre majesté. Vous, madame, il faut vous appeler votre solidité. » Mais il y a loin de là à tout diriger, à faire et à défaire les ministres, à choisir les généraux, et à ne pousser que ses protégés au grand détriment de l'État, comme on l'en a plusieurs fois accusé. Parvenue à cette époque de la vie où l'on n'a plus qu'à en descendre les degrés, Madame de Maintenon les descendit avec lenteur. L'âge n'effaçait point en elle les agréments de la personne ni les grâces de l'esprit. Saint-Simon, qui l'a connue à cette époque, et qui ne voulait pas la flatter, nous en a laissé lui-même une image pleine d'agréments et de séduction. En 1694, lorsqu'elle avait près de 60 ans, Mignard fit d'elle un portrait en costume de Sainte Françoise, dame romaine, portant un manteau doublé d'hermine, qui dissimulait habilement l'âge sous une allégorie grave et flatteuse, et indiquait le rang mystérieux sans en révéler le secret. Au dire de Madame de Coulanges, ce portrait excita un enthousiasme général. « J'ai vu, écrit-elle à Madame de Sévigné, la plus belle chose qu'on puisse jamais imaginer. C'est un portrait de Madame de Maintenon fait par Mignard. Elle est habillée en Sainte Françoise romaine. Mignard l'a embellie, mais c'est sans fadeur, sans incarnat, sans blanc, sans l'air de la jeunesse. Et sans toutes ses perfections, il nous a fait voir un visage et une physionomie au-dessus de tout ce que l'on peut dire. Des yeux animés, une grâce parfaite, point d'atour, et avec cela aucun portrait ne tient devant celui-là. Mignard en a fait un aussi fort beau du roi. Je vous envoie un madrigal que Mademoiselle Bernard fit impromptu en voyant ces deux portraits. Il a eu beaucoup de succès ici. Quant à nous, nous préférons la physionomie d'un autre portrait, quoique moins beau, peint par Ferdinand L., et à peu près du même âge, qui était à Saint-Cyr et où Madame de Maintenon est représentée tout en noir, assise, ayant Mademoiselle d'Aubigné, sa nièce, à genoux devant elle. Belle encore, grave, d'un embonpoint modéré, d'un front élevé et majestueux sous le voile qui l'ombrage, avec des yeux en amande, grands et longs, animés et doux, le teint encore frais et l'expression sereine, représentant assez bien une demi-reine imposante et contenue. La plume des dames de Saint-Louis a complété ce portrait par des détails qui s'accordent avec ce que rapportent les contemporains. Elle avait, à l'âge de 50 à 60 ans, disent-elles, le son de voix le plus agréable, un ton affectueux, un front ouvert et riant, le geste naturel de la plus belle main, des yeux de feu, les mouvements d'une taille libre si affectueuse et si régulière qu'elle effaçait les plus belles de la cour. Le premier coup d'œil était imposant et comme voilé de sévérité. Le sourire et la voix ouvraient le nuage. Mais elle conserva bien plus encore, et jusque dans l'âge le plus avancé, l'agrément de son esprit, dont ses lettres mêmes ne donnent qu'une imparfaite idée. Dans ses lettres, elle est discrète, réservée, précise, assez sentencieuse, quoique aimable, et toujours un peu pressée. Le côté vif et gai du caractère nous échappe. Il faut y ajouter un certain enjouement de raison, une certaine grâce vivante, qu'elle eut jusqu'à la fin, même dans l'austérité, et qui tenait à sa personne, à son désir naturel de plaire, à la présence des gens, au mouvement de la conversation, mais qui n'allait pas, comme dans Madame de Sévigné, jusqu'à se fixer par écrit. On ne pouvait joindre plus d'agrément à la solidité. C'était, comme disait Fénelon, la raison parlant par la bouche des grâces. « Nous n'avons, dit M. Sainte-Beuve, qu'une partie de son esprit dans ses lettres, le goût, le bon ton, la raison parfaite et le tour parfois piquant. Mais ce qui animait la société, cet enjouement qu'elle mêlait discrètement à ses récits, à ses histoires, et que tout le monde lui reconnaissait, ce qui pétillait de brillant et de fin sur son visage quand elle parlait d'action, comme dit l'abbé de Choisy, tout cela a disparu et ne s'est point noté. On n'a en quelque sorte que le dessin et la gravure de l'esprit de Madame de Maintenon, on n'en a pas le coloris. C'était là le charme, inappréciable pour nous, qu'elle avait à Versailles et qu'elle répandait autour d'elle dans la mission qu'elle s'était donnée d'amuser ou de désennuyer le cercle restreint où Louis XIV aimait à vivre. Son caractère changea encore moins que son esprit. Parvenue à ce degré inouï de fortune, la tête ne lui tourna point. Elle resta ce qu'elle était. Ses goûts, ses manières, son jugement sur toute chose demeurèrent les mêmes. On en trouve 1000 témoignages dans ses lettres. Elle écrivait le 27 juillet 1686, au début même de cette merveilleuse existence, à l'abbesse de Fontevraud, sœur de Madame de Montespan. « Je suis toujours ravie, madame, quand je reçois des marques de vos bontés pour moi. Mais je voudrais bien que vous ne me fissiez point de remerciements, quelque chose que je puisse faire. Je n'ai jamais changé de sentiment pour vous. Vous avez touché mon goût et rempli mon estime. J'ai cru ne vous pas déplaire et tout cela, madame, a subsisté dans tous les temps et subsistera toujours. Mais je vous demande en grâce de me traiter comme vous me traitiez et de m'estimer assez pour croire que ce que la fortune fait en ma faveur ne m'a point gâté. Je souffre fort volontiers tout ce qu'elle m'attire de la part de gens qui ne me connaissent point et dont l'opinion m'est assez indifférente. Il n'en est pas de même de vous, madame, dont l'estime et l'approbation m'ont été précieuses, et je serais au désespoir que vous me crussiez assez folle pour avoir oublié combien votre amitié m'honore. » Au reste, les hasards de sa vie l'avaient admirablement préparée à ce rôle imprévu. Sa jeunesse, passée au milieu des écueils qui l'entourèrent, soit chez Scarron, soit pendant son veuvage, ou au milieu des sociétés qu'elle fréquentait, l'art précoce et la vigilance dont elle eut besoin pour s'y faire considérer et respecter, sans cesser d'y plaire, n'avait été qu'un long apprentissage de prudence et de circonspection qu'il a servi infiniment dans ses rapports avec le roi et madame de Montespan, et qu'elle eut encore à mettre en œuvre d'une manière différente sur son nouveau théâtre. D'un autre côté, cette activité obligeante et serviable, ce tempérament infatigable, cette complaisance industrieuse et insinuante, cet empressement à entrer dans les peines et les embarras de ses amis, elle les porta à Versailles, quand elle y fut devenue la personne indispensable de l'intérieur, la compagne du roi, la ressource des princes, leur intermédiaire et leur confidente, celle dont nul ne pouvait se passer, tout au roi et à la famille royale pour laquelle elle se gênait sans cesse et tenait bon avec sourire et bonne grâce contre cet esclavage de tous les instants. Ainsi s'achève Madame de Maintenon par le duc Paul de Noailles.